mère va rendre visite à une cousine, et elle me laisse jouer dans la cour. Il y avait des hommes qui jouaient, c'était dans le quartier italien de Boulogne, il y avait des hommes qui jouaient là. Alors, je reste au milieu des hommes. Les hommes qui jouaient, ils jouaient au palais. Hein, c'était un jeu italien, ça. Enfin, c'était des Italiens qui jouaient chez moi. Et on avait des palais, on se rapprochait le plus près possible d'une ligne, et sur cette ligne, il y avait une petite bille. Bon, puis on gagnait. Alors les hommes, ils étaient là, ils sifflaient, ils gueulaient, ils buvaient du vin, ils crachaient. Puis au bout d'un moment, j'en ai eu assez. Et ma mère est arrivée, elle m'a dit, ça va, je peux te laisser encore un moment. Je lui ai dit oui, j'aurais dû dire non. À peine elle est partie que je la suivais. J'étais déjà venu chez cette cousine. Enfin, là, il y avait un escalier dans le noir. C'était des masures. Ça m'a... Enfin, je ne sais pas. C'est pas que ça m'a attiré, ça. Rien. J'ai pas voulu rester avec les hommes. Je suis monté tout doucement, sans faire de bruit, mais... Et là où était la cousine de ma mère, la porte était entrouverte. Et j'ai glissé mon œil. Puis j'entendais qu'on chuchotait. J'ai un peu poussé la porte, je me suis un peu avancé. Il n'y avait qu'une pièce. Une pièce qui faisait chambre, cuisine, toute petite. J'ai vu une petite lumière qui brûlait. Et j'ai vu une vieille tante allongée sur le lit, avec la petite lumière à côté. Elle avait les yeux fermés. L'odeur de la petite lumière, c'était une lampe à pétrole. Je la connaissais puisqu'on avait une lampe à pétrole dans la cave. Moi aussi, j'avais une grand-mère. Elles étaient cousines toutes les deux, d'ailleurs, les deux grand-mères. Mais elles ne bougeaient pas, et puis ma mère n'arrêtait pas de murmurer, et puis la cousine de ma mère murmurait à côté d'elle. Et je suis redescendu. Et puis là, j'ai eu de la fièvre après. J'avais pas pu comprendre exactement ce que c'était. Je questionnais ma mère sans lui demander directement. J'aurais pu lui dire tout simplement, j'ai vu la vieille tante, elle était dans son lit. Bon, j'aurais pas pu dire qu'est-ce qu'elle a. Je pourrais pas deviner ce qu'elle avait. Et puis les semaines ont passé, et puis ma mère a ouvertement dit à des cousines à elle, à des nièces à elle, que cette grand-mère était morte, que la mort était venue la prendre. Et c'est là, c'est à ce moment que j'ai gardé ça pour moi longtemps, des années, et que j'en étais venu à être obsédé. La nuit, je la revoyais, cette vieille tante. Je la revoyais, bon, je la voyais dans toutes les positions, mais je la voyais quand même immobile, éclairée. Je regardais des fois ma grand-mère dans la journée, moi je restais allongé souvent. Ma grand-mère s'allongeait aussi sur un lit à côté de moi, en bas, dans la cave. Il y avait la lampe à pétrole qui brûlait, elle ne savait pas lire. Elle fermait les yeux, elle priait. Elle ne dormait pas. Elle priait tout le temps. Alors je la regardais. Et elle avait la même couleur que l'autre, la vieille tante. Les yeux, il n'y avait que les lèvres qui bougeaient. La différence, c'est qu'il y en avait une qui avait les lèvres qui bougeaient et l'autre que les lèvres, elles ne bougeaient plus. Et que ma mère avait dit, elle est morte. Et que je n'avais pas encore bien, bien, bien touché ça. Ben, l'occasion m'a été donnée très vite. J'ai trouvé un jour, en allant avec ma grand-mère prendre l'air, un chat mort dans la rue. Les rues, à l'époque, c'était de la terre, dans notre quartier. Et le chat, il était là, il avait pris la pluie, la terre avait fondu, avait rebondi sur lui. Et j'ai dit à ma grand-mère était aveugle, j'ai dit à ma grand-mère, attends, j'ai fait tomber quelque chose, parce que si je lui avais dit, il y a un chat qui bouge plus, J'ai dit, j'ai fait tomber, je sais pas quoi, mon mouchoir, n'importe quoi. Attends. Alors elle a attendu. Je me suis baissé. J'ai vu que c'était comme la grande tente. C'était pareil. J'ai touché, il était dur. J'ai appuyé très fort, il n'a pas relevé la tête. J'ai mis mon pied dessus, puis j'ai bien appuyé. C'était encore un peu mou. C'était ça la tente, la vieille tente. Et je ne peux pas aller beaucoup plus loin, parce qu'après je vais mentir. Je veux pas.